Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. La nuit obscure de l'âme. Explication des strophes qui font connaître la voie de la parfaite union d'amour avec Dieu, autant qu'elle est possible ici-bas. Propriétés admirables de l'âme arrivée à cet état. Exposition du sujet. Ce livre s'ouvre par l'ensemble des strophes qui sont à expliquer, chacune d'elles est ensuite répétée séparément. Avant l'explication qu'on en donne, il en est de même de chaque vers qui est exposé à part et répété en tête de l'exposition. Dans les deux premières strophes, on fait voir les effets de la double purification de la partie sensitive et de la partie spirituelle de l'homme. Dans les six autres, on expose les différents fruits merveilleux que produisent dans l'âme l'illumination spirituelle et l'union d'amour avec Dieu. Cantique de l'âme. 1. Pendant une nuit obscure, embrasée d'un amour plein d'anxiété, oh, l'heureuse fortune, je sortis sans être aperçu, alors que ma demeure était pacifiée. 2. Pleine d'assurance dans les ténèbres, je sortis déguisé, par un escalier secret, oh l'heureuse fortune, dans l'obscurité et en cachette, alors que ma demeure était pacifiée. 3. À la faveur de cette heureuse nuit, personne ne me voyait, et moi je ne regardais rien, je n'avais ni guide ni lumière, excepté celle qui brillait dans mon cœur. 4. Cette lumière me guidait, plus sûrement que celle du midi, au terme où m'attendait, celui qui me connaît parfaitement, personne ne paraissait en ce lieu. 5. Ô nuit qui m'a conduite, ô nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit qui a si étroitement uni, le bien-aimé avec sa bien-aimée, qui a livré à son amant l'amante transformée en lui. 6. Sur mon sein couvert de fleurs, dont nul autre n'est droit d'approcher, il demeurait endormi, et moi, je lui faisais fête, et le rafraîchissais avec un éventail de cèdres. 7. Le souffle de l'aurore faisait voltiger ses cheveux, de sa douce main posée sur mon cou, je me sentis blessé, et tous mes sens furent suspendus. 8. Le visage incliné sur le bien-aimé, je restai là et m'oubliais, tout disparut pour moi, et je m'abandonnais, laissant toutes mes sollicitudes, perdues au milieu d'hélices. But général de ces strophes. Avant d'entrer en matière, il est bon de remarquer ici que l'âme est déjà établie dans la perfection, c'est-à-dire dans l'union d'amour avec Dieu. Lorsqu'elle chante ce cantique, elle a passé par les travaux et les épreuves spirituelles, dont est semée cette voie étroite qui conduit à la vie éternelle. C'est le chemin que suivent d'ordinaire toutes les âmes, avant de parvenir au sublime auteur de l'intime conformité avec Dieu. Quelle est petite la porte, et quelle est étroite la voie qui mène à la vie, et combien peu de gens en trouvent l'entrée, Matthieu 7, 14. Elle est si étroite, et le nombre de ceux qui y entrent est si restreint, nous dit notre Seigneur dans l'Évangile, que l'âme s'estime très heureuse et regarde comme un grand bonheur de l'avoir franchie et d'être arrivée à la perfection de l'amour. Elle nomme à bon droit cet étroit sentier une nuit obscure, comme on le voit d'après les vers de ce cantique, et, toute joyeuse d'avoir triomphé de tant d'obstacles, elle en éprouve un si grand bonheur qu'elle le proclame en ces termes. Livre 1er. Traité de la nuit des sens. Pendant une nuit obscure, embrasée d'un amour plein d'anxiété, oh, l'heureuse fortune, je sortis sans être aperçu, alors que ma demeure était pacifiée. Explication. L'âme raconte, dans la première strophe, la manière dont elle a opéré cette sortie par l'abnégation d'elle-même, par la mort d'un véritable renoncement à toute chose extérieure et intérieure, afin d'arriver à vivre en Dieu d'une douce et savoureuse vie d'amour, elle effectua sa sortie pendant une nuit obscure, symbole de la contemplation purgative qui produit dans l'âme, comme nous le dirons plus tard, l'abnégation d'elle, même et de tout le créé. Sa sortie a été favorisée par les saintes ardeurs de l'amour, qu'elle a puisées dans cette contemplation ténébreuse, aussi exaltée, et l'heureuse fortune qu'elle a de cheminer vers Dieu à travers l'obscurité de cette nuit. À la faveur de ces ombres, aucun des trois ennemis, le monde, le démon et la chair, qui sont toujours prêts à barrer le chemin, n'ont pu l'arrêter. Du reste, dans la nuit de cette contemplation purgative, elle a senti s'assoupir en elle et s'éteindre tous les mouvements déréglés des passions sensitives et des appétits de la nature. Chapitre 1. Exposition du premier vers. Imperfection des commençants. Pendant une nuit obscure, ceux qui, dans la vie spirituelle, s'exercent encore à la méditation, appartiennent à l'état des commençants. Lorsqu'il plaît au Seigneur de les en faire sortir, c'est à dessein de les introduire dans la voie du progrès, qui est celle des contemplatifs, et de les faire arriver sûrement par ce moyen à l'état des parfaits, c'est-à-dire à l'union divine, afin de mieux expliquer en quoi consiste cette nuit, et pour mieux instruire le lecteur des motifs pour lesquels Dieu y fait pénétrer l'âme, il est à propos de parler, tout d'abord, de certaines imperfections spéciales aux commençants. Ils saisiront par là l'infériorité de l'état où ils sont, et cette vue les excitera à désirer que Dieu les amène à cette nuit, où l'âme se fortifie dans l'habitude des vertus, et goûte les délices ineffables de l'amour divin. Nous nous arrêterons donc un peu ici, mais juste le temps nécessaire, ayant hâte de traiter de la nuit obscure, notons-le bien. Dès que l'âme a pris la ferme résolution de servir Dieu, le Seigneur a coutume de la diriger dans les voies spirituelles, tout en la traitant comme une tendre mère qui nourrit son petit enfant, elle le réchauffe sur son sein, lui donne un lait bien doux, une nourriture délicate, elle le porte dans ses bras, le comble de caresses et de gâteries, mais, à mesure qu'il grandit, la mère le sèvre peu à peu de toutes ses jouissances, elle lui retire le sein, dont elle le détourne en l'oignant d'une substance amère, elle cesse de le porter dans ses bras, et le force à marcher de lui-même, elle lui fait perdre les faiblesses de l'enfance, et le prépare à des habitudes plus fortes et à des œuvres plus grandes, la grâce de Dieu, comme une mère aimante. Tient la même conduite à l'égard de l'âme nouvellement engendrée par le zèle et le désir de servir Dieu. Tout est douceur pour cette âme, elle goûte avec suavité le lait des faveurs spirituelles, nul obstacle ne l'arrête, les exercices de piété n'ont que des attraits pour elle. Dieu la porte en vérité amoureusement sur son sein, comme un enfant à la mamelle. Aussi le bonheur de cette âme consiste-t-il à passer de longues heures en oraison, peut-être même des nuits entières. Les pénitences font sa joie, les jeûnes son plaisir. Sa consolation est de fréquenter les sacrements, et de boire à longs traits à la coupe des communications divines, malgré la circonspection avec laquelle les personnes spirituelles acceptent ses faveurs, malgré le fruit réel qu'elles en retirent. C'est d'ordinaire au préjudice de la force et de la perfection de l'esprit, attiré à ses œuvres et à ses choses de dévotion par la consolation et le goût qu'elles y trouvent, et n'ayant pas acquis l'essence même des vertus, par l'épreuve d'une lutte courageuse, ils se mêlent à tous leurs actes de piété mille fautes et mille imperfections, car enfin, chacun agit selon le degré de perfection où il est arrivé. Or, n'ayant pas eu encore le temps d'en acquérir les solides et fortes habitudes, il est impossible qu'elle n'y apporte pas toute la faiblesse de l'enfance. Mettons cette vérité plus en lumière, et faisons mieux connaître l'infirmité inhérente aux actes de ces commençants, par rapport aux vertus dont la pratique leur est rendue facile par les consolations intérieures qu'ils y recueillent. Examinons quelques-unes de leurs nombreuses imperfections, selon l'ordre des sept péchés capitaux, on verra avec évidence comment, dans toutes leurs œuvres, il y a de l'enfantillage, on constatera par là, même les avantages précieux qu'apporte avec elle la nuit obscure, qui vient dégager et purifier l'âme de toutes ses imperfections. Chapitre 2. De quelques imperfections spirituelles des commençants, par rapport à l'orgueil, le propre des choses saintes est d'inspirer l'humilité, toutefois les commençants se sentent une si grande ferveur, et un tel empressement aux exercices de dévotion, que cette heureuse disposition, par suite de leur imperfection, donne souvent naissance à de secrets mouvements d'orgueil, et les amène à une certaine satisfaction d'eux-mêmes et de leurs œuvres. De là, un vain désir d'avoir des entretiens de spiritualité devant les autres, de se poser en maître plutôt qu'en disciple, de là aussi une tendance à condamner intérieurement ceux qui ne partagent pas leur manière de voir dans la dévotion, semblable aux pharisiens, Luc 18, 11, 12, qui, tout en louant Dieu, s'enorgueillissaient de ses œuvres et méprisaient le publicain, ils en viennent à afficher tout haut leurs sentiments pleins de superbe, c'est souvent le démon qui favorise en ces âmes la ferveur, et le désir d'entreprendre telles ou telles œuvres, afin d'alimenter leur présomption, l'ennemi du genre humain n'ignore pas, en effet, que tous les actes ainsi entachés d'orgueil non seulement n'ont pas le mérite des vertus, mais se changent encore en vices. Plusieurs arrivent à ce degré d'aveuglement, de vouloir être considérés comme les seuls gens de bien. En toute occasion on les voit agir et parler de manière à condamner les autres, toujours portés à la détraction. Ils se récrient contre la paille qui est dans l'œil d'autrui, et ne font pas attention à la poutre qui est dans leur. Ils enlèvent aux autres un moucheron, et ils avalent un chameau, Matthieu, 7, 3. Comme ils ont un grand désir d'être loués et de voir leurs œuvres estimées, leur maître spirituel, c'est-à-dire leur confesseur ou leur supérieur, improuve-t-il leur esprit ou leur manière de procéder. Ils s'imaginent qu'ils ne sont pas compris, ils en concluent aussitôt que leur directeur n'est pas un homme spirituel, puisqu'ils n'approuvent pas leur conduite et ne condescend pas à leurs caprices, ils s'empressent alors de le quitter, et cherchent à communiquer avec un autre dont les idées cadrent mieux avec les leurs, tant ils aiment à faire partager leurs sentiments par ceux dont ils attendent une appréciation élogieuse, au contraire, vous les voyez fuir comme on fuit la mort, et même prendre en aversion ceux dont la désapprobation a pour but de les mettre dans le droit chemin. Pleins de confiance en eux-mêmes, ils font force projet et n'exécutent presque rien, désireux d'attirer l'attention sur leur genre de spiritualité et sur leur dévotion, ils affectent d'en faire montre, prennent les attitudes les plus étranges, poussent des soupirs et se livrent à mille autres simagrées. C'est plutôt en public qu'en secret qu'ils ont des ravissements, et ils sont bien aises de voir divulguer ces effets extraordinaires, objet de leur ardente convoitise, mais dont le démon est, à n'en pas douter, le principal agent. Beaucoup souhaitent d'être en faveur auprès de leur père spirituel. De la mille envies et inquiétudes, ils éprouvent de la honte et une extrême répugnance à déclarer nettement leurs péchés, de peur de déchoir dans l'estime du confesseur. Aussi, pour dissimuler la malice de leurs fautes, ils les colorent, et travaillent bien plutôt à s'excuser qu'à s'accuser. Plusieurs d'entre eux choisissent un confesseur extraordinaire pour lui avouer les péchés graves, afin que le premier, ne découvrant en eux rien de répréhensible, les croit parfaits. Ils sont avides de lui parler toujours du bien qui se passe en eux, souvent dans des termes exagérés qui le font valoir davantage, et le montrent avec intention plus grand qu'il n'est en réalité. N'y aurait-il pas bien plus d'humilité, ainsi que nous le dirons plus tard, à diminuer ce bien, et à souhaiter que ni le confesseur ni personne d'autre n'y attache la moindre importance? Il y en a qui font peu de cas de leurs fautes, tandis que d'autres fois ils s'en affligent outre mesure, parce qu'ils avaient une haute opinion de leur sainteté, alors ils s'irritent et s'impatientent contre eux-mêmes, ce qui dénote une nouvelle imperfection. Souvent ils demandent avec anxiété au Seigneur d'être délivrés de leurs défauts et de leurs mauvaises tendances, mais c'est bien plus pour n'avoir pas à en souffrir et pour vivre en paix, que pour être agréable à Dieu. Ils ne réfléchissent pas que leur délivrance serait peut-être un motif de devenir plus orgueilleux encore. Ennemis des louanges pour autrui, ils les aiment pour eux-mêmes, et souvent ils les recherchent avec empressement. Ils sont semblables aux vierges folles dont les lampes s'étaient éteintes, et qui sollicitaient auprès de leur compagne l'huile destinée à les ranimer, Matthieu, 25, 8. Parmi ceux qui sont livrés à ces imperfections, plusieurs se laissent entraîner à commettre des fautes graves, et en éprouvent un tort immense. Pour d'autres, le dérèglement est petit et le mal est moindre. Quelques-uns n'en subissent que les premières atteintes ou guère plus, mais il est bien peu de ces commençants qui, au temps de leur première ferveur, en soient complètement exemptes. Ceux qui en cet état suivent les règles de la perfection, procèdent d'une toute autre manière, et avec une disposition d'esprit bien différente, car c'est surtout dans l'humilité qu'ils commencent par s'avancer et s'affermir. Ils comptent leurs œuvres pour rien, et n'ont aucune estime pour eux-mêmes. Tous les autres leur semblent supérieurs à eux, et les vertus d'autrui excitent en leur cœur une sainte envie, une louable émulation. Plus leur ferveur augmente, plus ils font de bonnes œuvres et y trouvent de l'attrait, plus aussi, à mesure qu'ils avancent en humilité, ils reconnaissent tout ce qu'ils doivent à Dieu, et le peu qu'ils font pour lui. Leur ardente charité et leur amour les pressent vivement d'entreprendre des bonnes œuvres pour Dieu. Préoccupés de ce besoin et de cette sollicitude d'amour, ils ne sont jamais satisfaits d'eux-mêmes, ils ferment les yeux à ce que les autres font ou ne font pas, et s'ils le remarquent, c'est uniquement, comme je le dis, avec cette pensée que les autres les surpassent de beaucoup, s'estimant peu de choses. Ils désirent que les autres aient sur eux la même opinion, qu'on blâme et qu'on méprise leurs œuvres, et même vient, on a leur donné des louanges et à leur témoigner de la considération. Ils ne peuvent y croire en aucune manière. Il leur semble étrange d'entendre dire tant de bien d'eux. Ces âmes humbles et paisibles souhaitent ardemment de recevoir les avis de tous ceux qui peuvent contribuer à leur progrès spirituel. Quelle différence avec la conduite des commençants, dont nous parlions tout à l'heure. Ceux-ci voudraient enseigner tout le monde, lorsqu'on paraît vouloir leur apprendre quelque chose, ils se hâtent aussitôt de prendre la parole, comme s'ils savaient déjà tout ce qu'on veut leur dire, mais les humbles, dont il est question, n'ont garde de vouloir s'ériger en maître de qui que ce soit, comme ils sont prompts à marcher dans leur voie, et même à en changer au premier commandement, jamais il ne leur vient à l'idée de s'appuyer en rien sur eux. Même, ils sont heureux d'entendre louer les autres, et leur seul regret est de ne pas servir Dieu avec la même perfection. Ils ne font aucun cas de ce qui les concerne, et n'éprouvent nul désir d'en parler, loin de là. C'est pour eux un sujet de confusion d'être obligés d'en rendre compte à leur maître spirituel, car, à leur avis, ce sont des choses qui ne méritent pas qu'on en parle, mais ce qu'ils aiment, c'est de découvrir leurs fautes et leurs péchés, et ils ont soin de donner à entendre qu'il n'y a en eux aucune vertu. À leurs yeux, c'est une bonne fortune d'avoir à traiter des affaires de leur âme, avec ceux qui ne font aucun état de leur esprit ni de leurs œuvres. Cette manière d'agir est le fait d'un esprit pur, simple et sincère, et Dieu l'a pour fort agréable. L'esprit de la divine sagesse réside dans ces âmes humbles, et sa première inspiration est de les incliner à cacher au fond du cœur leur trésor, et à ne laisser paraître au dehors que leur mauvais côté. Dieu refuse cette grâce singulière aux superbes, tandis qu'il l'accorde aux humbles. En même temps que les autres vertus, ces âmes généreuses donneraient volontiers le sang de leur cœur à ceux qui servent Dieu, Elles se sentent portées à les aider dans ce service de tout leur pouvoir, dans les imperfections où elles peuvent tomber, elles se supportent avec humilité, avec mansuétude d'esprit, avec une crainte amoureuse et une ferme espérance en Dieu. Mais, sachez-le, c'est à un très petit nombre d'âmes qu'il est donné d'avancer ainsi dès le début avec tant de perfection. Pour la plupart, nous nous contenterions de ne pas les voir tomber dans les défauts contraires, c'est pourquoi Dieu, comme nous le dirons ensuite, fait entrer dans la nuit obscure les âmes dont il veut hâter les progrès, et qu'il désire purifier de toutes ces imperfections. Chapitre 3. De l'avarice spirituelle. Imperfection de quelques commençants par rapport à ce second péché capital. Parmi les commençants, un grand nombre se laissent aller à une véritable avarice spirituelle. Jamais ils ne sont satisfaits des dons que Dieu leur accorde, et s'ils se voient pour un instant privés de la consolation qu'ils cherchaient dans les pratiques pieuses, la tristesse et le chagrin les envahissent aussitôt. On en rencontre qui ne se lassent pas d'entendre des conférences spirituelles, de recevoir des conseils, de posséder et de lire de nombreux traités sur ces matières. Leur temps se passe bien plus en ces occupations qu'à faire des actes méritoires. Ils oublient de pratiquer, comme ils le devraient, la mortification et la perfection de la pauvreté intérieure. En outre, ils ont la passion d'amasser des images, de se charger de rosaires, de croire à raies précieuses. Un jour ils prennent les uns, le lendemain les autres, tantôt ils les choisissent de telle forme, tantôt de telle autre. Ils s'attachent à ceux-ci plutôt qu'à ceux-là, à cause de leur rareté ou de leur prix. En un mot, c'est un changement continuel. D'autres s'entourent d'Agnus Dei, de reliques et d'authentiques, comme les enfants le font de leurs jouets. Je ne condamne en cela que l'esprit de propriété et l'attachement qu'on a à ces choses, leur genre, leur grand nombre, leur valeur comme curiosité, sont tout à fait opposés à la pauvreté spirituelle, car l'on ne doit voir dans la dévotion que la chose essentielle, et ne prendre de tous ses moyens que ce qui est nécessaire pour l'augmenter. Cette multiplicité, cette curieuse variété, n'inspire aux vrais pauvres d'esprit qu'ennui et lassitude. La dévotion sincère part en effet du cœur, et porte avant tout sur la réalité et la substance cachée sous la forme des choses spirituelles. Tout le reste n'est qu'une attache et un sentiment de propriété très imparfait, dont il est nécessaire d'extirper le désir déréglé, pour parvenir à l'état de perfection. J'ai connu une personne qui, je vous l'assure, ne manquait ni de bon sens ni de jugement. Pendant plus de 10 ans, elle s'est servie d'une croix faite avec le bois brut d'un rameau béni, dont les deux morceaux étaient réunis par une épingle tordue autour. Elle la portait toujours sur elle jusqu'au moment où je la lui enlevais. J'en ai vu une autre qui se servait d'un chapelet, fait avec des arêtes de poisson, et certes sa dévotion n'avait pas pour cela moins de valeur aux yeux de Dieu. Il est de toute évidence que ces personnes ne pouvaient être attachées à ces objets, à cause de leur prix ou de leur forme. Ceux qui prennent le droit chemin de la perfection ne s'arrêtent pas à tous ces instruments visibles, et ne s'en chargent pas. Leur seule préoccupation est de connaître ce qu'il faut pour s'acquitter de leurs devoirs. Ils ne visent qu'à se mettre bien avec Dieu et à lui plaire. C'est là toute leur ambition. Leur joie est de donner avec libéralité tout ce qu'ils possèdent, et de s'en priver pour Dieu et par charité pour le prochain, vertu dont ils font toute la règle de leur conduite. Je le répète, leur but exclusif est la véritable perfection, plaire en tout à Dieu et ne se satisfaire en rien eux-mêmes. Sans doute, l'âme ne peut éviter complètement les imperfections de ce second péché capital, non plus que des autres, avant que Dieu lui ait fait subir la purification passive de la nuit obscure, dont nous parlerons plus loin. Néanmoins, elle doit apporter le concours de sa bonne volonté pour hâter ce travail d'épuration et de perfectionnement. Par cette conduite, elle méritera que Dieu lui applique ce remède divin, qui guérit l'âme de toutes les misères dont elle n'aurait pu se défaire par elle-même, quels que soient ses efforts, en vain voudrait-elle acquérir, par sa propre activité, une pureté assez parfaite pour être tant soit peu disposée à l'union divine du parfait amour avec Dieu, il faut que la divine providence y mette la main, et la plonge dans ce feu obscur destiné à la dépouiller de toutes ses scories, comme nous ne tarderons pas à l'expliquer. Chapitre 4. De la luxure spirituelle, imperfections habituelles des commençants par rapport à ce vice. Outre les imperfections qui se rattachent à chacun des vices dont je parle, et auxquels un grand nombre de commençants se laissent aller, il en est d'autres que je ne mentionne pas. Pour éviter la prolixité, je me borne à signaler les principales, qui sont comme la cause et l'origine des autres. Mon intention n'est pas de traiter du vice de la luxure, mais des imperfections qui en sont la suite, et dont la nuit obscure doit purifier l'âme. On peut donner à ces imperfections le nom de luxure spirituelle, non pas qu'elles soient telles en réalité, mais parce que la chair en éprouve quelquefois les effets. Par suite d'une certaine faiblesse naturelle, lorsque l'âme est l'objet des communications spirituelles, dans les exercices spirituels, dans la fréquentation des sacrements de pénitence et d'eucharistie, ou lorsque l'esprit est profondément recueilli dans l'oraison, souvent il arrive que la partie sensible éprouve des mouvements désordonnés, indépendants de la volonté, ces sensations tout à fait involontaires, comme je viens de le dire, procède d'une des trois causes suivantes. La première se rencontre parfois chez quelques personnes, douées d'une complexion délicate et tendre, dont l'attrait naturel se porte vers les choses spirituelles, l'esprit et les sens aiment à jouir. C'est pourquoi chaque partie de l'homme est excitée au plaisir selon sa nature, et s'y délecte à sa manière. La partie supérieure est portée à goûter Dieu et à en jouir spirituellement, mais de son côté la sensualité, qui est la partie inférieure, y trouve une jouissance et une délectation sensible, incapable qu'elle ait d'en apprécier ou d'en éprouver d'autres. Il n'est pas rare que l'esprit soit recueilli en oraison avec Dieu, tandis que les sens, malgré la résistance et les angoisses de l'âme, ressentent passivement les rébellions et les émotions de la chair, comme ces deux parties composent un même tout. D'ordinaire elles participent ensemble à ce que l'une des deux reçoit. Selon la maxime du philosophe, tout ce que l'on reçoit, on le reçoit selon son mode d'être, au début de la vie intérieure et même dans la voie du progrès. La sensualité n'étant pas encore bien réglée, prend part à sa manière aux douceurs spirituelles dont l'âme est comblée, et y apporte comme elle l'imperfection qui lui est propre. Mais lorsque cette partie sensitive a été réformée par la purification de la nuit obscure, elle n'est plus soumise à ses défaillances, elle reçoit alors l'Esprit de Dieu avec tant d'abondance, qu'elle semble plutôt se perdre elle-même dans ses profondeurs, comme dans un abîme insondable. Major et Deus cor de nostro, Dieu est plus grand que notre cœur. 1 Jean 3, 1. Unie à Dieu, elle recueille de cette union le secret de posséder toute chose d'une manière ineffable et toute spirituelle. La seconde cause d'où procèdent parfois ces révoltes, c'est le démon qui, pour inquiéter et troubler l'âme quand elle se dispose à faire oraison, ou lorsqu'elle y est déjà entrée, soulève dans la nature des mouvements déréglés. Si l'âme se laisse préoccuper tant soit peu par ses émotions, c'est à son grand détriment, car le but de l'ennemi est non seulement d'amener les âmes à se relâcher dans l'oraison, par la crainte de sentir ses révoltes et d'avoir à leur résister, mais encore de parvenir à en pousser plusieurs à l'abandon complet de ce saint exercice. Elle se persuade qu'elles sont troublées là plus que partout ailleurs. Et cela est vrai, le démon réservant ses embûches à l'heure de la prière, justement pour les forcer à en quitter la pratique, il va encore plus loin, et s'étudie à leur représenter des images grossières et abominables, qu'il mêle au souvenir des choses spirituelles et des personnes qui travaillent à leur avancement, Son dessein est d'effrayer les âmes et de leur enlever tout courage, celles qui ont le malheur de faire attention à ses machinations. Diaboliques n'osent plus rien regarder, ni fixer nulle part leurs pensées, de peur de trébucher aussitôt contre tel ou tel de ses écueils. Les personnes atteintes de mélancolie sont particulièrement exposées à ces embûches, qui ont sur elles tant de prises et tant d'actions que c'est une pitié, si, à cause de ce tempérament particulier, les âmes tombent dans ce lamentable état, on ne les en tire ordinairement qu'en les guérissant des causes physiques, ou bien il faut que la nuit obscure s'empare de ces âmes et les purifie entièrement. La troisième cause qui provoque ces mouvements désordonnés et cette guerre intérieure, c'est la crainte que l'on a de ces sensations et de ces imaginations grossières. En effet, l'appréhension de voir se renouveler ces fâcheuses révoltes, par un simple souvenir qui se mêle à un acte, à une parole, à un regard, les excite de nouveau, et fait souffrir le pauvre patient qui n'en est nullement coupable. Il arrive souvent aux commençants de s'entretenir de choses spirituelles, ou d'entreprendre quelques bonnes œuvres, et de le faire avec une certaine vivacité et jactance, qui proviennent de l'attention qu'ils prêtent aux personnes présentes. Ils y prennent une sorte de complaisance à laquelle la volonté n'est pas toujours étrangère, c'est ce qui constitue encore une espèce de luxure spirituelle, dans le sens où nous l'entendons ici. Plusieurs, sous prétexte de spiritualité, contractent des affections avec certaines personnes. Or, ces amitiés viennent souvent de la sensualité plutôt que de l'âme. On les reconnaît à ce signe. Loin de rappeler la pensée de Dieu et d'augmenter son amour, le souvenir de ces liaisons engendre, au contraire, des remords de conscience. Quand ces affections sont purement spirituelles, à mesure qu'elles augmentent on sent croître l'amour de Dieu, et plus leur souvenir est présent à l'âme, plus elle se reporte à la pensée de Dieu et aspire à son amour. Ainsi une affection grandit en proportion de l'autre, tel est le propre de l'Esprit de Dieu, que le bien augmente par le bien, car la conformité du principe amène forcément des conséquences identiques, mais l'amour sensuel a des effets tout opposés. S'il se développe dans une âme, on la voit aussitôt se refroidir dans l'amour divin, oublier Dieu pour s'occuper d'autres pensées, et s'agiter dans les remords de sa conscience. L'amour de Dieu vient-il, au contraire, à se raviver dans ce cœur? L'amour charnel diminue et s'éteint, ces deux amours se livrent un véritable antagonisme, celui qui prédomine étouffe et anéantit l'autre, et se fortifie d'autant, selon la doctrine des philosophes. Aussi notre divin Sauveur dit-il dans l'Évangile, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3, 6. C'est-à-dire, l'amour qui naît de la sensualité finit par la sensualité, et celui qui vient de l'esprit se termine à l'esprit de Dieu et le fait croître en nous. Telle est la différence qui nous fait distinguer ces deux amours. Une fois introduites dans la nuit obscure, l'âme les soumet à la droite raison. Elle purifie et fortifie celui qui est selon Dieu. Quant à l'autre, elle le mortifie ou le détruit, mais dans le principe, elle s'étudie à les perdre de vue l'un et l'autre, comme nous le dirons plus tard. Chapitre 5. Des imperfections auxquelles le vice de la colère entraîne les commençants. La recherche des douceurs spirituelles est pour ainsi dire générale chez les commençants, ils ne savent pas en jouir ordinairement sans commettre beaucoup de fautes, qui viennent de la colère. Lorsque ces douceurs et ces délices leur manquent, ils sont frappés d'une morne tiédeur, qui les rend désagréables dans leur rapport avec le prochain, irascibles à la moindre occasion, est vraiment insupportable, et cet état succède très souvent au recueillement sensible et savoureux de l'oraison. Dès que cette jouissance leur est enlevée, la nature se laisse aller au dégoût et à l'ennui, absolument comme fait l'enfant auquel on enlève le sein où il prenait ses délices. Cet ennui est un effet naturel où il n'y a pas de faute, pourvu que la volonté n'y adhère pas. mais dont l'imperfection doit être purifiée par les aridités et les angoisses de la nuit obscure, il y a encore des commençants que leurs ailes inquiets fait tomber dans un autre genre de colère spirituelle, ils s'emportent contre les péchés d'autrui, ils observent leurs prochains, et sont parfois saisis d'un impétueux désir de le reprendre avec indignation, ils en viennent même à l'exécution, comme s'ils étaient passés maîtres en vertu. Tout cela est bien opposé à la mansuétude spirituelle. D'autres enfin, choqués par la vue de leurs propres imperfections, s'indignent contre eux, mais avec une ardeur qui n'a rien de l'humilité, leur impatience naît de la prétention qu'ils avaient d'être saints en un jour. Beaucoup d'entre eux se proposent de grandes choses et font de nombreux projets, mais comme ils sont trop confiants en eux-mêmes et pas assez humbles, plus ils dressent de plans de perfection, plus ils font de chutes et plus ils s'irritent, ne sachant pas attendre avec patience l'heure marquée par Dieu, pour leur accorder l'objet de leur désir. C'est encore une chose opposée à la douceur spirituelle, le remède à ce mal ne se trouve que dans la purification de la nuit obscure. D'autres, il est vrai, ont tant de calme et vont à pas si lent dans la recherche de l'avancement spirituel, que Dieu serait peut-être plus satisfait, s'ils étaient moins patients. Chapitre 6. Des imperfections de la gourmandise spirituelle. Le quatrième vice est la gourmandise spirituelle. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, car à peine rencontre-t-on un seul commençant, si fervente d'ailleurs que soient ses premiers pas dans la carrière spirituelle, qui ne tombe dans une des nombreuses imperfections, auxquelles donne naissance la douceur des débuts dans la vie intérieure. Beaucoup d'entre eux, séduits par l'attrait de ses consolations, cherchent à satisfaire leur gourmandise spirituelle, au lieu de faire des efforts pour acquérir la pureté de cœur et la vraie dévotion, qui seule mérite d'attirer les regards et la complaisance de Dieu en matière de spiritualité. Outre la faute que ces âmes commettent en recherchant ses faveurs, la gourmandise, qui est leur défaut dominant, les fait encore passer d'une extrémité à l'autre. Elle dépasse les limites du juste milieu où réside la vertu, et où elle se perfectionne. Les pratiques de la piété ont tant d'attrait pour les commençants, que les uns se tuent à force de pénitence, d'autres se débilitent par des jeûnes prolongés au-dessus de leurs forces, sans l'ordre ni le conseil de personne. Parfois ils semblent vouloir se cacher de ceux auxquels ils doivent obéir en toutes ces choses, souvent même, malgré les défenses de leur directeur, ils osent se livrer à ces austérités. Ces gens sont fort déraisonnables et très imparfaits. Ils oublient que la soumission et l'obéissance constituent la vraie pénitence de la raison et du jugement. C'est là le seul sacrifice digne d'être offert au Seigneur, celui qu'ils préfèrent à tous les actes de pénitence corporelle. Cette pénitence, quoique bonne en elle-même, est très imparfaite si elle n'est accompagnée de la pénitence spirituelle, parce que les âmes s'y portent uniquement en vue du goût des consolations qu'elles y trouvent. Tous les extrêmes sont mauvais, et comme cette manière d'agir n'est fondée que sur la volonté propre, au lieu de faire avancer dans la vertu, elle fait croître dans le mal. Deux y a pour le moins en tout cela de la gourmandise spirituelle et de l'orgueil. Puisqu'il n'y a pas d'obéissance, chez un grand nombre le démon augmente la passion de la gourmandise en exploitant leurs goûts et leurs appétits. L'obéissance est à ces esprits un joug étroit et pesant. Aussi à défaut d'autre chose ils changent, modifient ou exagèrent ce qui leur est commandé. Plusieurs en viennent à un tel excès, qu'ils perdent tout attrait et toute dévotion pour les exercices réglés par l'obéissance. Ils sont portés à suivre en tous leurs caprices et leurs goûts. Ils voudraient peut-être mieux pour eux s'abstenir de semblables pratiques, dont la volonté propre est le seul mobile. On en voit beaucoup s'obstiner avec leur maître spirituel, pour obtenir ce qu'ils veulent, et moitié par force, ils arrachent leur consentement. Ne parviennent-ils pas à leur fin, ils s'attristent aussitôt comme des enfants, et s'éloignent en maugréant. Ils s'imaginent ne pas servir Dieu, Si on les empêche de suivre leurs inclinations, ils ont pour point d'appui leur volonté propre et leurs caprices. Si l'on vient à le retirer pour lui substituer celui de la volonté de Dieu, ils s'affligent, se relâchent et se découragent, selon leur appréciation, se satisfaire et se contenter eux-mêmes. C'est honorer Dieu et lui être agréable, ils s'en trouvent à qui la passion de la gourmandise fait perdre le souvenir de leur bassesse et de leur misère, et mettre en oubli le respect et la crainte amoureuse due à la grandeur de Dieu. Ils ne se font point de scrupules d'importuner leur confesseur, pour leur arracher la permission de se confesser et de communier fréquemment. Le plus regrettable encore, c'est de les voir pousser l'audace jusqu'à oser recevoir la Sainte Eucharistie, sans l'autorisation du prêtre et du dispensateur du Christ. Se fiant ainsi à leur jugement personnel, ils s'efforcent de voiler la vérité à leur directeur, et font une confession quelconque, plus préoccupés du désir de participer au banquet sacré, que du soin de s'en approcher avec la pureté et la sainteté requises. Une telle audace leur prépare de grands malheurs, et ils doivent redouter le châtiment de leur témérité, avec ses désirs imparfaits. Il serait plus salutaire et plus convenable, pour eux, de prier leur confesseur de ne point les envoyer aussi souvent à la Sainte Table, quoique dans ces deux extrémités, le meilleur, après tout, c'est d'avoir une humble résignation, tout leur effort est de rechercher des effets sensibles dans la communion. Au lieu de s'appliquer à louer et à honorer en toute humilité le Dieu qui est en eux, convaincus que les consolations leur sont dues, cette source vient-elle à tarir, ils s'imaginent avoir perdu leur temps, c'est abaisser Dieu dans leur appréciation, et ne pas comprendre que le goût sensible est le moindre des avantages qui découlent du très saint sacrement, dont le fruit principal est la grâce invisible. En effet, Dieu, pour engager les hommes à s'approcher de lui dans la simplicité de la foi, leur enlève très souvent ses faveurs et ses douceurs sensibles, ses esprits égarés voudraient encore, dans tous les autres exercices spirituels, goûter Dieu et le sentir, comme s'il était accessible et compréhensible, c'est là une grossière erreur. Fort opposée aux attributs divins, qui exigent de nous une foi très pure, les mêmes principes les accompagnent à l'oraison, tout consiste pour eux dans la dévotion sensible, ils cherchent à se la procurer, à tour de bras, comme on dit, ils se fatiguent la tête et s'épuisent en vain, manquent-ils leur but, ils sont inconsolables. Et l'extrême répugnance qu'ils éprouvent à se livrer de nouveau à l'oraison la leur fait abandonner tout à fait. Ce désir insatiable de jouir leur fait perdre la véritable dévotion, qui consiste à persévérer dans l'oraison avec patience, humilité, défiance de soi-même, pour le seul amour de Dieu. Nous les avons donc à bon droit comparés aux enfants qui agissent, non par raison, mais par sensualité. Tout leur temps se passe à la recherche des joies et des consolations spirituelles. Ils ne se rassasient pas de lire, de changer à tout propos le sujet de leur méditation, et courent ainsi sans cesse à la poursuite de leur plaisir dans les choses de Dieu, mais, par une conduite juste, discrète et pleine d'amour, le Seigneur les leur refuse, autrement cette gourmandise spirituelle, toujours alimentée, leur attirerait des maux sans fin, il leur est donc indispensable d'entrer dans la nuit obscure afin de s'y purifier de toutes ces puérilités. La recherche du goût sensible entraîne encore à une autre grande imperfection, qui est la lâcheté et la paresse à marcher dans les rues de sentiers de la croix. L'âme qui a soif de jouissance, éprouve naturellement de la répulsion pour tout ce qui est abnégation de soi, d'où résultent beaucoup d'autres défauts, auxquels le Seigneur portera remède dans son temps par les tentations, les sécheresses, les tribulations, qui toutes font partie de la nuit obscure. Sans prétendre les énumérer ici, je me contente d'ajouter que la sobriété et la tempérance spirituelle suivent la voie bien différente de la crainte, de la mortification et de l'humble soumission en toutes choses. Je fais remarquer, en outre, que la perfection et la valeur des actes ne viennent pas de leur multiplicité, mais de la science du renoncement à soi-même. C'est à ce renoncement que l'on doit s'appliquer, autant que possible, jusqu'à ce que Dieu daigne entreprendre lui, même l'œuvre de la purification dans la nuit obscure, à laquelle je me hâte d'arriver, après avoir donné un aperçu rapide des imperfections qui se rattachent aux deux derniers péchés capitaux. Chapitre 7. De l'envie et de la paresse spirituelle. Les commençants tombent aussi dans plusieurs imperfections qui se rattachent à l'envie et à la paresse spirituelle. La première leur inspire de la jalousie et des mouvements d'humeur contre ceux qui, plus avancés dans la vie intérieure, les surpassent en mérite. Ils s'attristent de leurs vertus et ne peuvent souffrir qu'on en fasse l'éloge, sans aussitôt prendre la contrepartie et chercher à neutraliser autant que possible l'effet de la louange, toujours avide de prééminence. Ils sont très peinés de ne pas être l'objet de la même admiration que les autres. Tout cela est fort contraire à la charité qui, nous dit saint Paul, se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 13, 6. S'il leur arrive d'éprouver de l'envie, c'est une sainte émulation, une impression pénible de ne pas sentir en eux les vertus qu'on admire dans le prochain, en même temps qu'ils se réjouissent de les voir chez les autres. Ils sont heureux enfin de se voir ainsi devancés, Dieu étant au moins servi par ses âmes, tandis que, même s'en acquitte si mal, la paresse spirituelle porte d'ordinaire les commençants à se traîner avec lenteur dans les exercices où l'esprit a le plus de part, comme ils sont accoutumés aux consolations sensibles. Lorsqu'ils ne les rencontrent pas dans les choses spirituelles, celles-ci leur deviennent à charge, parce qu'elles sont en opposition avec leur goût. Si Dieu, pour les éprouver, leur enlève un seul jour les douceurs de l'oraison, ils ne veulent plus y revenir, l'abandonnent même ou ne s'y livrent que de mauvaise grâce. Cette paresse leur fait sacrifier la perfection à la joie et à la satisfaction personnelle, qui consiste à faire leur volonté au détriment de celle de Dieu. Beaucoup d'entre eux voudraient voir Dieu désirer ce qu'ils désirent, ils s'attristent d'être forcés de subir sa volonté, et ce n'est pas sans une extrême répugnance qu'ils se soumettent à ce divin vouloir. C'est pourquoi, bien souvent, lorsque les choses ne vont pas suivant leur désir, ils s'imaginent qu'elles ne s'harmonisent pas non plus avec la pensée point de Dieu. Au contraire, sont-ils satisfaits, ils croient que Dieu l'est aussi, le rabaissant à leur mesure, au lieu de se conformer à sa volonté, et cependant ne nous donne-t-il pas lui-même cet enseignement dans l'Évangile, « Celui qui aura perdu sa vie pour moi, la retrouvera, et celui qui la sauve, la perdra. » Matthieu 16, 25. Ceux-là encore deviennent aussitôt tièdes si on leur commente quelque chose contre leur gré, très empressés à la poursuite des jouissances et des délices de l'esprit, ils sont pleins de mollesse dans tout ce qui exige de l'énergie. Et dans le travail de la perfection, ils ressemblent à ces hommes nourris dans les plaisirs, qui ont horreur de la moindre austérité, et que la croix scandalise. Bien qu'elle renferme les véritables délices de l'esprit, plus les choses sont spirituelles, plus elles leur causent de dégoût. Aussi, comme ils veulent marcher à leur guise dans ce chemin de la vie intérieure, et suivre l'attrait de leur volonté, ils n'éprouvent que tristesse et répugnance en entrant dans cette voie étroite de la vie, dont parle le Christ, Matthieu 7, 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il me suffit d'avoir énuméré ces imperfections, parmi tant d'autres, dans lesquelles vivent ceux qui n'ont pas encore dépassé le premier degré de la vie intérieure. Par là on verra combien il importe pour eux que Dieu les introduise dans des voies plus avancées, c'est-à-dire qu'il les amène à cette nuit obscure, dont nous allons parler actuellement. Le Seigneur les sèvre alors de ses tendresses sensibles, les jetant dans des aridités et des ténèbres intérieures, afin de les délivrer ainsi de toutes leurs imperfections et de leurs goûts enfantins, et de leur faire acquérir les vertus par des moyens tout différents, car c'est en vain qu'un commensant s'exerce à bien mortifier ses actes et ses passions, jamais il n'arrivera à une entière, ni même à une notable purification. Si Dieu ne l'opère en lui par la nuit obscure, daigne le Seigneur avoir pour agréable de me communiquer sa lumière, qui m'est indispensable pour percer les ténèbres d'une nuit si obscure, et pour traiter utilement une matière hérissée de tant de difficultés.